Chapitre 37e, première faille dans la muraille. Comme bien souvent, le lundi suivant n'avait rien de bien engageant, mais pour une fois, du tilleul s'en moquait. Il se sentait reposé et détendu. Il faut dire que Mado l'avait laissé dormir bien plus longtemps qu'il n'en avait coutume, et s'il avait remué, au moins ne s'en était-il pas aperçu. Autre miracle, Mado avait réussi à le traîner dans un centre commercial, où il avait fait l'emplette de deux costumes, un wagon de chemise ainsi qu'un nouveau manteau. Pour sa peine, Mado s'était vu récompensé de deux beaux tailleurs, dont un, couleur mordoré, lui plaisait particulièrement. Il avait fait une grande sieste l'après-midi, Mado levé contre lui, et il ne l'avait quitté qu'au petit matin juste après avoir pris son café. Malgré l'heure matinale, Bellegarde était déjà dans les parages, signé qu'il devait y avoir du nouveau. Effectivement, une lettre au papier sali l'attendait sur son bureau. Elle lui était directement adressée, mais comme elle en avait l'autorisation, Patricia Martineau l'avait ouverte. L'écriture bâton était malhabile, légèrement tremblée, incontestablement masculine. Bellegarde ne put s'empêcher d'émettre le commentaire que le rédacteur de la lettre devait avoir un sacré coup dans le nez. Du Tilleul l'en convint volontiers, car effectivement, aucune ligne n'était droite. Le contenu en était le suivant. Monsieur le commissaire, si j'ai liquidé Pardès, c'est parce que Terminal m'en a donné l'ordre. Mais je jure que je n'ai rien à voir avec la mort de Galtier, même si cela ne m'a rien fait. Terminal a commencé à déconner grave quand il l'a recruté. J'ai toujours su que c'était un faible. Il s'est trahi quand on a crevé la vieille. Il voulait piquer en douce sa carte bleue. On ne pouvait pas le laisser faire. Il risquait de tous nous faire coincer. Et pourquoi en plus ? Uniquement pour acheter sa dope, ce n'était pas acceptable. On a fait une erreur ce jour-là. La vieille, elle était inoffensive, même si, c'est vrai, elle s'est bien défendue. Seulement, à quatre contre elle, elle n'avait aucune chance, surtout qu'on était bien partis. Mais c'est Berthelot qui était le plus déchaîné. Il veut tellement faire ses preuves aux yeux de Terminal qu'il en devient dangereux. Je sais que je risque quelques années de zonzon, mais je suis prêt à payer pour ce que j'ai fait. Je sais que c'était mal, qu'on n'avait pas le droit. Seulement, je ne veux pas me retrouver tout seul en cabane. Je veux qu'ils payent tous, et particulièrement Terminal. Parce que même s'il ne participe à aucune action, il est bien trop intelligent pour cela. C'est lui qui planifie tout. Il nous tient tous. Un temps, j'ai cru qu'il nous estimait pour lui obéir si aveuglément, mais ce n'est pas vrai. Terminal n'a pas de sentiment. Nous sommes ses mains. Il use et abuse de nous. Si on ne marche pas droit, on sait ce qui nous attend. Nous sommes interchangeables. Surtout que, vu ce que nous avons fait, il ne peut y avoir de vie en dehors du club. C'est trop dangereux pour Terminal, trop compromettant. Je sais parfaitement qu'il peut agir en dehors du cercle. Il nous l'a déjà montré. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité à maquiller la mort de Galtier en suicide. Aucun de nous n'a été dupe de la manœuvre. On sait tous ce que cela voulait dire. Heureusement que vous avez vu le piège, parce que sinon... Je suis terrifié. Je veux sauver ma peau. Je sais que je me suis conduit comme un débile, mais j'étais manipulé comme tous les autres. Je me suis laissé baiser naïvement. J'étais tellement ébloui. J'ai cru à des choses. Terminal a bien dû rire, tiens. Mais maintenant, c'est du passé. J'ai fini par ouvrir les yeux. J'avoue sans honte qu'on m'a aidé. C'est une belle rouquine qui m'a donné le sésame et qui m'a révélé tout ce que je voulais savoir sans même se faire prier. C'est elle qui m'a fait comprendre l'énormité de ma faute. C'est une fille merveilleuse. Je sais que je ne la mérite pas. Elle est bonne et douce. Bien sûr, quand je lui ai tout raconté, j'ai bien senti qu'elle n'était pas heureuse. Mais elle n'a pas crisé. Je pense qu'elle n'a pas tout compris. C'est peut-être mieux. En tout cas, elle m'a promis de m'attendre, des années s'il le faut. Vraiment chouette, cette fille. Dommage que je ne l'ai pas rencontrée avant. L'histoire aurait été alors probablement très différente. Bien sûr, nous savons tous les deux que cela risque d'être long. Avant que je puisse respirer librement. Même avec le meilleur des avocats, je sais bien que je ne m'en tirerai pas à moins de 10 ans. Mais je m'en fous. Je suis jeune et elle a un peu d'argent. Il faudra juste me tenir peinard. Je suis prêt à dire tout ce que je sais. Je me fous de passer pour une balance. Je veux simplement que l'on sache que je me suis fait embringuer dans un truc trop grand pour moi et qu'à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. Si je continue dans le club... C'est que je ne tiens pas à être liquidé prématurément comme Pardet ou Galtier. Et puis je suis curieux de voir jusqu'où ira Terminal. Je sais qu'il prépare un nouveau coup, et je dois absolument en être. Malheureusement, je ne peux vous donner aucun indice sur la cible choisie. Terminal nous la dévoile toujours juste avant de nous mettre en route. Toutefois, je peux tout de même vous dire quelque chose d'utile. Terminal prend des cours à l'extérieur depuis quelque temps. Dernière chose, vous devez bien comprendre que tous les noms que je vous donne sont nos noms de guerre. Mais si vous êtes aussi intelligent que je le crois, vous ne devriez avoir aucun mal à identifier les deux premiers. Quant au mien, je suis Deuxerre. Je suis celui qui tremble. Cela vous aidera si nous devons un jour nous croiser. Quand Dutilleul eut terminé sa lecture, il regarda longuement Bellegarde. Certes, tout n'était pas clair, mais il avait le sentiment d'avoir fait un grand pas en avant. Il avait enfin la preuve tangible que le Club 23, car il ne pouvait s'agir que de lui, existait bel et bien. Comme l'avait pressenti le mystérieux Deuxerre, Dutilleul ne fut guère long à identifier Galtier et Pardet. Il ne pouvait bien évidemment s'agir que de Pierrick Lourjade et Richard Dacroux. Malheureusement, si les raisons de l'assassinat de celui-ci semblaient tout à coup s'éclaircir, il n'en allait pas de même pour celui de Dacroux sur lequel Deuxerre se montrait assez curieusement peu disert. Pourtant, Dutilleul n'avait guère de mal à esquisser un semblant de scénario. Dacroux avait dû exercer une sorte de chantage sur Terminal, qui en retour l'avait fait liquider. Si seulement on savait qui est ce Terminal, dit soudain Bellegarde. Dutilleul regarda son adjoint avec surprise. « Comment ? Vous ne l'avez toujours pas compris ?»« Non, j'avoue que tout cela m'a paru des plus obscurs. »« C'est pourtant lumineux. Terminal est une fille. »« Quoi ? Bien sûr. Je me suis laissé baiser naïvement. J'étais tellement ébloui. J'ai cru à des choses. » Deuxerre a dû longtemps espérer que la fille lui accorderait ses faveurs, pour le récompenser en quelque sorte. Elle a dû bien le faire languir. Décidément, elle est très forte. Nous allons devoir redoubler de méfiance à son égard, car sinon elle nous roulera nous aussi dans la farine. Tout cela est bien beau, chef, mais cela ne nous apprend toujours pas qui elle est. Mauvaise réponse. Vous devez être fatigué, mon bon Bellegarde, pour ne pas voir ce qui pourtant crève les yeux. Bah, vous savez, chef, ce genre de jargon n'est vraiment pas mon fort. C'est trop alambiqué, trop tordu. Moi, vous savez bien que je ne suis qu'un primaire. Ne commencez pas à vous dévaloriser, Bellegarde. Vous savez bien que je ne vous suivrai jamais sur ce terrain. Cette énigme-là, en l'occurrence, n'est guère difficile à résoudre. Terminal est vraisemblablement Thérèse Turandeau. Comment pouvez-vous vous montrer si péremptoire? Voyons, Bellegarde. Rappelez-vous notre petite conversation de l'autre jour. Si vous vous en souvenez, j'ai évoqué devant vous une certaine étoile. Attendez, attendez, chef, je crois que ça me revient. La fille qui prend des cours à l'extérieur. Vous voyez quand vous voulez. Peut-être, chef, mais je ne vois toujours pas le rapport. Si, voyons. Rappelez-vous maintenant notre surveillance. Bah, elle n'a rien donné. Justement. À quoi, selon vous, devons-nous ce manque de résultats? Bah, parce qu'il n'y avait rien à surveiller. Très bien, Bellegarde. Rappelez-vous maintenant le mode d'action du Club 23. Bellegarde eut alors un grand sourire. J'y suis, chef. C'est la fille qui doit repérer les cibles. Exactement. Admettez que ça ne peut être que cela. Si vous avez raison, chef, c'est tout de même assez ingénieux. Tout à fait. Même s'il y a une faille, qui devrait bien faire nos affaires. Vous pensez au repérage des cibles? Oui. Elle sera bien obligée de se trahir à un moment ou à un autre. À nous d'être présents, car je pressens que nous n'aurons pas beaucoup d'occasions. Je remplace immédiatement le mûrier dans sa surveillance. Vous êtes sûr que cela ne vous dérange pas? Oh non, non! Le mûrier est un peu trop bleu, puis un peu d'exercice me fera du bien, surtout si l'on retourne dans votre restaurant. Que va dire Marguerite? Je vais l'expédier chez sa sœur. C'est encore le meilleur moyen pour qu'elle ne se ronge pas les sangs. Bellegarde, oui? Soyez prudent, voulez-vous? Oh, ne vous inquiétez pas pour cela. Vous savez bien que j'en ai vu d'autres, et ce n'est pas une souris pareille qui va me... Comme il disait déjà votre gars dans sa lettre? Ah oui, me rouler dans la farine. Sans doute, mais inutile néanmoins de vous exposer à un mauvais coup. Je ne tiens pas à devoir m'expliquer ensuite avec Marguerite. Bon, vous savez, c'est une bonne âme. Elle ne vous dirait rien. Elle vous aime bien trop pour cela. Ne négligez jamais le chagrin d'une femme, Bellegarde. Dutilleul passa la journée à rédiger un certain nombre de courriers, exercice qu'il aimait assez. Puis une fois, n'est pas coutume, il appela Viard pour savoir s'il était possible de le voir en fin de journée. Celui-ci consentit aussitôt tant les audiences avec Dutilleul étaient rares. Celui-ci fit un point rapide de l'enquête. Vous devez bien sentir que tout cela demeure bien mince, dit Viard, quand Dutilleul eut fini avec son exposé. Toutefois, c'est indéniable, cette lettre renforce sacrément votre dossier. Faites attention, car on risque bien de vous attaquer sur sa crédibilité. Je suis tout prêt à courir le risque. Vous êtes diablement sûr de vous, on dirait. Toujours votre fameuse intuition. Si j'obtiens un flagrant délit, les bouches se cloueront d'elles-mêmes. Sans aucun doute, mais encore faut-il y parvenir. Je sais que j'en suis tout prêt, monsieur. Croyez-moi, s'il y a la moindre supercherie, Bellegarde la découvrira. Il est vrai que si l'on considère vos résultats dans l'affaire Pradier, je suis tout prêt à lâcher un peu de lest, mais ne perdez jamais de vue que le terrain est diablement glissant. Je le sais parfaitement, monsieur. Et c'est là que j'ai besoin une nouvelle fois de votre aide. Ah, quel sujet ? Au sujet du Club 23. Il faut absolument passer une annonce afin de recueillir le plus d'éléments possible. Il me semble que vous avez déjà tenté la chose il y a quelques mois, et que les résultats ont été très maigres. J'en suis conscient, mais je vous demande l'autorisation de recommencer, on ne sait jamais. De plus, maintenant il y a une sacrée différence, je sais, moi, que ce club existe. Madrier, ce me semble, vous a pourtant prétendu le contraire. Je le sais bien. Tout comme je sais aussi que ce n'est pas parce que l'on nie une chose avec force qu'elle n'existe pas néanmoins. Peut-être. Mais dans ce cas, d'où viennent les fonds pour faire vivre un tel club? Justement. Si l'on réfléchit bien, chacune de ces actions a juste demandé un peu de matériel, qu'il a dû être assez facile de subtiliser. L'entreposer aux tournelles n'a guère dû présenter plus de problèmes. Pourtant, il me semblait que les sacs des élèves étaient régulièrement fouillés. Du moins, c'est ce que l'on m'a rapporté. C'est certainement vrai pour les mauvais élèves, ceux qui en quelque sorte sont marqués à la culotte, et dont on a toute raison de se méfier. Mais que risque un bon élève? À mon sens, pas grand-chose. Alors vous pensez que ce sont de bons éléments qui commettent ces actes terribles? Je ne le pense plus, j'en suis sûr. Apprendre que cette Thérèse Turandot est impliquée ne fait que renforcer ma conviction. Elle est, soit dit en passant, la plus brillante élève des Tournelles. Si l'on examine les choses sous cet angle, les faits s'expliquent très bien. Seuls de bons éléments étaient capables de mener les deux choses de front. Sans doute. Mais si je vous entends bien, Lourjade était une sacrée erreur de casting, ce qui ne correspond en rien à ce terminal que vous m'avez décrit. Pas forcément. J'ai toujours pensé que le fait que Lourjade soit externe avait dû peser très lourd dans la décision de terminal de l'intégrer au club. Pour ma part, je ne vois pas en quoi il pouvait représenter un atout. À mon sens, sa toxicomanie représentait un danger bien plus grand. À la longue, certainement, mais pas au début. N'oubliez pas que Pierrick Lourjade était supposé guéri quand il a intégré les Tournelles. Dans un premier temps, il a donc pu rendre un certain nombre de services, comme par exemple repérer les cibles potentielles. Ensuite, les choses ont dû se gâter à cause de la pression engendrée. Il n'a pas tardé à replonger, car la tension devait être intolérable. N'oubliez pas que Pierrick n'était pas un élément des plus brillants, et que sa désastreuse situation familiale ne devait rien arranger. Il était très laborieux, et son addiction croissante l'a certainement poussé à réclamer une rétribution de son action, ce qui est parfaitement contraire au statut du club. C'est sûr qu'exposé comme cela, l'affaire prend une toute autre tournure. Vous devez également bien imaginer que si elle est telle que vous la décrivez, elle risque d'avoir un certain retentissement. N'oubliez pas qu'il y a du beau linge aux Tournelles. Je ne l'oublie pas une minute, monsieur. Mais nous savons nous aussi faire très propre. Dutilleul, pardonnez-moi de l'évoquer si crûment, mais si vous réussissez, cette affaire peut me valoir une sacrée promotion, d'autant plus qu'elle sera dans la droite ligne de l'affaire Louvier. Je ne vous prends pas en traître, je veux que vous y pensiez. Bon, répondit simplement Dutilleul, nous n'en sommes pas encore là. Pensez-y, Dutilleul. Je comprends maintenant toute la frustration de Destrée à votre endroit. L'ambition n'est pas toujours une mauvaise chose, vous savez. Dutilleul promit d'y penser et sortit, laissant Viard bien songeur. La semaine suivante, la filature de Thérèse Turandot continua, mais auparavant, Bellegarde avait pris la précaution de bien étudier les notes communiquées par Lémurier. Ce qui était agréable avec ce dernier, c'est qu'il écrivait bien et qu'il était précis. Aussi Bellegarde n'eut aucune difficulté à identifier chaque habitant ainsi que la Bavarde. Ne pas se faire repérer par celle-ci ne fut pas chose aisée, car elle semblait ne jamais quitter sa fenêtre. Au bout de 2 jours toutefois, Bellegarde décela une anomalie qu'il se garda bien de mentionner. Il se devait de vérifier avant de mentionner quoi que ce soit, mais quand il y pensait, c'était si gros que cela ne pouvait que fonctionner. Du Tilleul avait une fois de plus raison sur toute la ligne. Cette Thérèse Turandot était une cliente bien redoutable. Mais malheureusement pour elle, Bellegarde avait une très bonne oreille. Elle l'avait facilement pu duper un bleu comme Lémurier, mais pas un vieux renard comme lui. Il fallait tout de même reconnaître qu'elle n'avait pas eu beaucoup de chance. Bellegarde avait rapidement identifié la jolie silhouette de l'élève infirmière. Aussi, quand Thérèse Turandot était sortie vers 16 heures, il l'avait tout de suite repérée, malgré sa perruque. Sans même un examen approfondi, il était difficile de les confondre. Thérèse avait le pas ample et la démarche résolue, tandis que Mademoiselle Perrier avait la démarche souple des gens habitués à ne pas faire de bruit. Même si toutes les deux étaient de corpulence sensiblement égale, il y avait une différence. C'est pourquoi, le 3e jour, l'esprit à l'affût, Bellegarde se mit à suivre de loin Thérèse Turandot. Bien qu'il accusât des kilos en plus, Bellegarde était un excellent marcheur et la filature ne lui posait pas vraiment de difficultés. Certes, la fille marchait à une certaine allure, mais il s'aperçut qu'elle observait des arrêts tout à fait intéressants. Ainsi, elle s'arrêta tout d'abord devant une serre, même si elle dut faire un léger détour pour l'occasion. Enfin, ce fut l'épicerie fine, puis, Bellegarde en eut un coup à l'estomac, la petite maison d'Agathe Grimbert. Celle-ci avait un air de désolation, comme si elle portait sur la façade les stigmates de ce qui s'était passé à l'intérieur. La fille, elle, ne paraissait pas un instant bouleversée, puisqu'elle fit une pause chewing-gum. Ensuite, sans même vérifier s'il y avait du monde autour, elle arracha la pancarte à vendre. Celle-ci avait déjà dû subir ses assauts, car Bellegarde put voir que les œillets avaient été arrachés. Puis, visiblement satisfaite par cette nouvelle agression gratuite, Thérèse reprit son tour. Cette fois, elle s'arrêta devant une librairie à la devanture poussiéreuse, où elle finit par entrer après un moment d'hésitation. Au bout de 10 minutes, elle ressortit du magasin. Elle semblait avoir fait l'emplette d'un cahier à spirale. Enfin, elle entra dans une boulangerie mitoyenne. Elle devait avoir faim, car elle avait acheté un pain au raisin. Les 4e et 5e filatures se firent dans des conditions semblables, ce qui permit à Bellegarde de renforcer ses certitudes et ainsi d'avertir du Tilleul.